Bon, ben, vous êtes sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par la PF d'Orléans pour la Noche Flamenca. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Et olé, c'est parti! Bon, ben vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la note Chef Lamanca. Et ça continue pour nos nouvelles chansons. Si vous désirez venir danser la Sevillana, c'est tous les sabbados de 14h jusqu'à 17h, 108 rue de Bourgogne, au troisième étage. Mon ami Pedro est arrivé pour les produits espagnols. Venez, on vous attend à l'APF d'Orléans. Y calla por Dios, padre mío. again. Si tú eres mi padre, ahí está, ay, la que me parió. Ay, yo no consiento que me la maltrate. Thank you. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Chef La Manca. Pedro, il est arrivé, Pedro, pour ramener les chocolats de Noël. Venez à la PF d'Orléans. C'est reparti pour une nouvelle chanson. Espagnol, olé! Quien critica y murmura, y el tiempo que tú has echado, que quien critica y murmura, y el lomo ya me emplea. Cuentan a mi madre que todo y todo lo que yo hago, ay, que se lo cuentan a mi madre, que como si mi madre fuera, que con un cuchillo a matarme. Mi carne no le doliera, mi carne no le doliera. Iré, iré, iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré, iré, iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré, iré, iré, iré, iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Vamos allá, y lo bonito. primaria de mi sobrino. Por ahí viene relinchando, ya la sombra de los pinos. Por ahí está arribita viene el caballito de mi sobrino. Ay, tú me tienes que buscar, tú me tienes que buscar, que como la va a buscar río, ay, ya río busca la mamá. Ay, tú me tienes que buscar, ay, tú me tienes que buscar, ay, como la va a buscar río, ay, ya río busca la mamá. Está los brillos primitos, en el seno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Desde los sillos, primita mía de Nazareno, baila por tango, baila por tango. Desde los sillos, primita mía de Nazareno, tole baila por tango, tole baila por tango. castigue y mi te mande Dios. Está malamente conmigo, no te mande Dios. Que yo corto la caña, la rajo y hago vareta, pa' que mi mamá la caca las pito y los vuelta. Pobreza yo me metí yo, pues tú no me desprecies que yo soy tu amiga. Tan solamente me acompaña y un bolsillo de vino y un bolsillo de agua más. Yo soy Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie pour la Noche Flamenca. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Et c'est reparti. Olé, mangez bien, bon appétit. Correo, si va pa' bañar. decirle que estoy prisionero por un ataquito que hubo prima y en España por no va a venir el herrero. Y arroyito claro, fuente cristalina y al aire hay magado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Tout à l'heure. Bon, je vous dis encore des belles. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie. Il est 19h59. Je vais bientôt terminer l'émission. Je vais vous dire buenas noches et bon domingo. Et à lundi pour le balcon d'Espagne. Buenas noches, Pedro est arrivé pour les produits espagnols pour l'APF d'Orléans. Au 108 rue de Bourgogne, au 3e étage. Venez à partir de 14h30. On vous reçoit à l'APF pour chercher vos produits espagnols. Olé! Buenas noches! Buenas noches! Et bonjour à Gabi! Bon appétit!